We'll be right back. Avec le papier. Et oui, c'est important quand même. Moi, je suis tout à fait dans votre savoir. Et ça se fait très couramment. Oui, oui, oui. Petit oiseau noir, au revoir. I'm going to go to the hospital. Jardinage à nos Philippe, oui, nous avons les fleurs vont